Section 12 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e, section 12, Les amours de Gilles, livre 4e, Isabelle, par Louis Morin, chapitre 3. Propos du docteur, trahi sua quemque voluptas le ridotto. C'était le lendemain de ce jour-là. Gilles, Pulcinelle et le docteur étaient assis, dans l'après-midi, au café Florian. Ils savouraient pour se réchauffer, car le froid était vif, du rhum de la Jamaïque, du vrai rhum, blanc comme de l'eau claire. « Qu'as-tu donc, Gilles ? » dit Pulcinelle. « Tu parais soucieux. » « J'ai, répondu Gilles, un service à vous demander. »« Demande et retrouve ta gaieté, car, je te le prédis, tu es en passe de devenir le Gilles le plus pitoyable du monde. On viendra chez nous pour pleurer. »« Voilà ce que c'est. Je veux rafraîchir vos souvenirs de cette nuit. »« Cette nuit, dit le docteur, je me rappelle fort bien que Pulcinelle a dormi, à poings fermés, sur une table du café Véronèse. » Je l'ai veillé, une chandelle parfumée à la main pour éloigner les moustiques. Vous n'y êtes pas. Nous avons été invités à souper par les Granelleschi. À la fin du souper, vers 1h du matin, comme nous voulions nous retirer, ainsi qu'il convient à des personnes rangées de le faire, nous nous sommes aperçus qu'un mauvais plaisant avait fermé les portes du logis et jeté les clés dans le canal. Et force nous a été de rester jusqu'au jour. Vrai, dit Pulcinelle, je ne me souvenais plus de cela. Il devait y avoir de bons vins à ce souper. Et à qui faut-il conter cette belle histoire ? À Paquette, si elle vous interroge. Ah ! Pulcinelle devint sérieux, puis il reprit. À Paquette, tiens, mon garçon, j'aime mieux te le dire tout de suite. Ne compte pas sur moi pour t'aider à tromper la petite. Prends garde à toi, je vois de quoi il retourne. Tu vas devenir amoureux de la Florise, si ce n'est déjà fait. Ça t'étonne que je te dise ça, un vieux sacripant comme moi, un vieux commis qui passe son temps à se griser. Eh bien, je te le dis tout de même, si tu causes de la peine à Paquette, si tu la quittes pour cette rouée, tu seras une canaille. Oh, il y a longtemps que je vois ça venir. Tu n'es pas un mauvais garçon, mais tu aimes trop les femmes, vois-tu. Tu as voulu te marier. Reste tranquille. Tu connais mes principes. Si ta femme te trompe, tape dessus. Mais si c'est toi qui la trompe, tu es un lâche. Il a raison, opina le docteur. Passe pour cette fois, termina Pulcinelle. Mais à l'avenir, si tu veux faire des bêtises, ne compte plus sur nous pour t'appuyer. Gilles ne répondit rien, et l'on parla d'autre chose. Lorsque Gilles eut quitté les deux amis, la conversation reprit entre eux. « Tu ne connais point les proverbes latins, » dit le docteur à Pulcinelle, « et il y en a un qui dit ceci. « Trahi sua quemque voluptas. » Cela veut dire, Gilles retournera chez Florise, et cela veut dire aussi, il lui serait aussi impossible de n'y point retourner au signor Pulcinella et au docteur Baluardo Grazian de Bologne de ne plus s'enivrer. Médite sur ces choses. En effet, la prédiction pessimiste du docteur ne manquait pas de s'accomplir. 8 jours ne s'étaient pas écoulés que Gilles était retourné dans le boudoir de Florise. Il lui semblait que cette femme lui faisait connaître l'amour pour la première fois. Auprès d'elle, il trouvait réunies les deux sensations qu'il avait éprouvées séparément auprès de Séraphine et auprès de Paquette. Il avait la joie d'aimer et la douceur d'être aimé. Bientôt, la jalousie, le plus énergique stimulant de l'amour, vint irriter sa passion jusqu'à la folie. Depuis que Florise jouait la comédie, son boudoir était assiégé par des gens de qualité qui se piquaient de goût pour le théâtre et auxquels il ne déplaisait point que les actrices interprètes des chefs-d'œuvre qu'ils honoraient de leur estime littéraire fussent jolies et accueillantes. Ces gens-là étaient nombreux à Venise. Il était de bon goût, en haut lieu, d'accorder sa protection à quelques comédiennes, danseuses ou cantatrices. Les gens d'âge grave et de position supérieure auraient été mal vus de trop fréquenter chez les courtisanes. Ils se croyaient plus à leur place chez les comédiennes, l'amour de l'art et le dilettantisme couvrant bien des choses. Gilles voyait avec dépit la maison de Florise envahie du matin au soir par une société des plus disparates où les plus grands seigneurs coudoyaient les aventuriers de passage. Pouvait-il cependant fournir aux dépenses d'une femme qui menait un train de patricienne? Florise en gémissait avec lui, tout en avouant, très sincèrement, qu'il lui serait impossible de se priver d'un luxe auquel elle était habituée depuis si longtemps. C'est alors que le démon du jeu vint le tenter. Un soir, comme il accompagnait Florise dans sa promenade à la place Saint-Marc, la fantaisie leur vint d'entrer au ridotto de la rue Saint-Moïse. Dans la grande salle, aux murs tapissés de cuir, les lustres jetaient une vive lumière. L'air était chaud et parfumé. Assis devant leur table de jeu, les patriciens, le visage découvert, remplissaient avec dignité leur charge de nobles tombés au rang de croupiers. Ils avaient devant eux un jeu de cartes oblongues, deux flambeaux, un tas d'or et un tas d'argent, et leurs larges manches étaient retroussées jusqu'aux coudes afin qu'on ne pût les accuser de friponnerie. Ces masses d'or qui brillaient de tous les côtés exerçaient sur Gilles une fascination inconnue. « Qui sait, pensait-il, tout cela pourrait être à moi. » Il résista quelque temps et fit plusieurs tours dans la salle. Les masques y passaient, comme des ombres, sans une parole. Les yeux des coquettes suivaient les joueurs heureux et ceux des juifs prêteurs avaient des offres compatissantes pour les perdants. Un tabouret rouge s'approchait d'une table. Ses lunettes par-dessus son masque tiraient avaricieusement une pièce de sa poche et suivaient attentivement sa destinée. Si elle attirait du tas quelques-unes de ses pareilles, on voyait s'avancer une grosse main plébéienne que secouait un tremblement. De jeunes muguets vidaient leurs bourses avec une élégante indifférence et regardaient d'un œil impassible leur fortune s'en aller en deux coups de carte. Mais qui pouvait dire si ces blancs masques uniformes, si ces mensongères faces muettes ne cachaient pas des grimaces d'angoisse, des larmes de désespoir? Gilles avait quelques ducats d'or dans sa poche. Il le jeta sur une table de jeu. « Je reste auprès de toi. » lui dit Florise à l'oreille, « Je serai ta bonne fée. » Et elle fut sa bonne fée, car il gagna. Il gagna pendant toute la soirée. Il jouait avec cette confiance que donne un début heureux. Qui, parmi les joueurs, n'a éprouvé ce sentiment d'assurance insolente que donne la veine et qui semble défier et dompter la fortune? Vraiment, Florise devait y être pour quelque chose. Par une superstition dont elle souriait doucement, il n'avait pas voulu lui quitter la main pendant toute la durée de la séance. Aussi, lorsqu'il sortit du ridotto, la bourse pleine, riche pour quelques mois, fut-il pris d'un bizarre scrupule, et ne voulut-il rien conserver du gain de la soirée. « C'est grâce à toi que j'ai gagné cet argent, » dit-il à Florise, « il t'appartient. » Puis il ajouta, en la serrant contre lui, « Sois à moi seul tant que durera cette bourse. » Fin de la section 12, lue par Agnès, Aubie, 2024.